magenjambe njambie, mabunda mago pindi magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Mabunda mago pindi. Mabunda mago pindi magenjambe njambie, mabunda mago pindi magenjambe njambie. Mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Ipenda hi. Ipenda unyimani mani eguda utombonu za timu nyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombonu za timu nyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombonu za timu nyenge yao. Ependa, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge. Ependa, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge. Ependa, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie, mukadikadie. Mobongo angadie, mukadikadie. Tata nzambe, mobongo angadie, mukadikadie. Mobongo angadie, mukadikadie. Tata nzambe, genwe. Mobongo angadie, mukadikadie. Tata nzambe. Mabunda mago pindi. Mabunda mago pindi magenjambe njambie, mabunda mago pindi magenjambi njambie. Mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Mabunda mago pindi. Mabunda mago pindi magenjambe njambie, mabunda mago pindi magenjambe njambie. Mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Magenjambe, magenjambi njambie, mabunda mago pindi mima pepa. Ipenda, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge. Ependa, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge. Ipenda, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge yao. Ependa, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge. Ependa, unyimani mani eguda, utombonu za timu nyenge. Ependa, Onyimani mani eguda, otombo nuzati munyengei. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukanijonga na meka. Mobongo angadie mukadikadie. Mohombo. Mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Nzambe na yenuwe. Mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe. Mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Merci beaucoup à Maman Poussi, Kindo. Merci beaucoup, merci. Merci pour cette belle mélodie qui donne l'honneur, la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation et tout le respect et la reconnaissance à Tata Nzambe. Et mes parents Tsogo diront Teta Nzambe. C'est la même chose. Tata Nzambe, c'est le langage bantou. Et Teta, c'est la même chose. Teta, Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Celui qui veille sur nous tous, merci d'être venu une fois de plus. Grâce à lui, vous avez eu ce souffle de vie, vous avez eu la force de vous retrouver autour de lui dans ce temple du savoir. Tata Nzambe, le Tout-Puissant Kana, c'est la chaîne du savoir, c'est la chaîne à travers laquelle les connaissances de chez nous sont véhiculées de temps en temps. Et Tata Nzambe, le Tout-Puissant, a quelques-unes de ses sous-entités, puis-je les appeler ainsi, qui sont des forums. Sous le baobab, là, il y a des questions qui sont traitées, des réponses vous sont données. Par ma humble participation et bien d'autres personnes qui connaissent mieux que moi. Que Teta, Teta, Teta, Teta, que Teta Nzambe, que Teta moi, Banga Banga. Le même qui, au-dessus de tout, continue toujours à nous donner ce savoir, à nous donner ses connaissances, à nous aider à évoluer. Merci d'être venu une fois de plus. Bonsoir. Pardonnez du petit retard. Toujours un problème de confusion à propos de l'heure. Comme toujours, je ne serai pas long sur cette thématique, je vous autoriserai à poser des questions. La grande question, la grande thématique d'aujourd'hui est la suivante. Quelle est la différence entre l'étude complète personnelle ou encore, on l'appelle souvent, parfois accidentellement, on appelle ça la consultation personnel, la consultation basée sur l'étude complète, sur la base de votre nom et de votre date de naissance. Quelle est la différence donc entre cette méthode et la consultation qu'on fait, qui est basée sur le contact avec les arcanes secrètes? Lequel contact avec les arcanes secrètes nous permet de nous mettre en communion et en contact avec les esprits de l'au-delà, avec nos ancêtres, avec les génies, avec les dieux, ou encore avec ce que les communs des mortels aiment toujours appeler le Dieu suprême. Nous mettre en connexion donc avec l'intelligence suprême, le mental 1. Le Dieu qui est capable de tout. Donc, il y aura, au cours de ces quelques instants que je vais passer avec vous, je vais donc vous donner la différence entre la consultation par étude complète de votre personnalité, laquelle étude est basée sur votre nom, et ensuite l'autre méthode qui est la consultation mystico-spirituelle, laquelle permet l'opérateur ou l'initié de rentrer dans les arcanes secrètes afin d'aller consulter ou de rentrer en communion avec certains esprits qui vont lui donner certaines informations. Allons-y donc tout droit dans le but. Bien. Souvent, vous avez entendu, j'ai mis en place une forme de consultation. Cette consultation, je l'ai mise en place depuis le jour où j'avais donné un enseignement sur votre nom peut porter malheur ou bonheur. L'importance, donc, de bien composer votre nom. Et j'ai même fait des propositions à certaines familles de pouvoir revoir leur nom. Je faisais l'étude d'abord au départ, simplement, gratuitement, mais ça m'a pris tellement du temps que je dis non, il faut que je commence à faire payer les gens, parce que là, c'est beaucoup de mes énergies et mon temps. Cette étude, elle consiste à quoi? Là, je suis en train de vous parler de la première partie qu'on appelle la consultation par étude individuelle ou personnelle, l'étude complète de votre personnalité. Celle-ci, elle se base sur trois éléments. Ça n'engage que moi, Moréo Nouvier, je ne sais pas comment les autres font. J'essaie de discuter avec quelques frères des autres confréries, des autres milieux mystico-spirituels, et ils m'ont dit qu'ils se basent sur d'autres éléments. Parfois, ils se basent seulement sur le nom et le prénom. Et la méthode qui se base sur le nom et le pronom n'est secret de personne. Il y a quelque chose qu'on appelle la main de Fatima, c'est pratiqué par les Juifs. Les musulmans également pratiquent cette main de Fatima. Mais la méthode que moi j'utilise, j'utilise le nom, le prénom et la date de naissance. Et ces éléments, donc, à elles seules, me permettent donc de pouvoir faire ce qu'on appelle la décomposition de votre nom. Quand je fais donc cette décomposition, je décompose, je découpe. Je prends donc lettre par lettre. Et à partir de cette décomposition et de votre nom et de votre prénom, je découvre un nombre magique. À partir donc de ce nombre magique que je découvre, je rentre dans un calendrier. Ce calendrier s'appelle le baromètre astrologique, lequel baromètre astrologique marche en conformité avec les mouvements des astres. Donc, la première étude, c'est beaucoup plus de l'astrologie qui demande beaucoup de technicité, de l'observation et des informations qui n'a rien à voir avec votre intuition individuelle. Certes, c'était un plus d'avoir cette intuition ou sixième sens ou troisième œil, c'est un avantage. Mais cela n'exige point cela. Donc, vous décomposez, vous me donnez le nom, par exemple, j'ai commencé à le faire lors des dernières élections de 2016. J'ai fait des recherches, c'est comme ça le public gabonais commence à me connaître. J'ai donc fait des recherches sur le nom de M. Jean-Pierre et j'ai découvert qui il est. J'ai fait des recherches sur M. Ali Bongo Ondimba. J'ai découvert qui il est. Et c'est comme ça, j'avais expliqué. Nous avons fait la même chose sur le cas de M. Albert Bena Bongo. Certes, il devint musulman par son frère Kadhafi, que Dieu est l'âme de ce monsieur. Donc, El Hadj Omar Bongo, par ce nom-là, on a eu certaines informations, lesquelles informations pouvaient mettre plus ou moins en danger la vie de M. El Hadj Omar Bongo. Donc, ainsi nous décidâmes. Décision fut prise par un groupe de certains conseillers du président à l'époque, M. Omar Bongo. Votre humble serviteur travaillait dans l'ombre. Alors, nous avions décidé de changer et de pouvoir composer le nom de cet homme afin qu'il ne mourût pas par un coup d'État ou de manière brutale. C'est ainsi, le nom Ondimba fut ajouté. Alors il devint Omar Bongo Ondimba. Souvenez-vous, mais vous, le commun des mortels, vous ne vous posiez pas de questions. C'est vrai que la première fois, il devint Omar Bongo parce que il était devenu musulman. Mais pourquoi avoir ajouté le nom Ondimba alors qu'on le vit Ondimba? Son papa, depuis Brazzaville, depuis Mvenge et on appelle ce Abangui, mais le vieux Omar connaissait bien son père. Pourquoi a-t-il décidé? Mais c'est parce que, comme je vous l'avais dit, l'étude complète de votre nom à vous a un pouvoir. Ce nom également peut révéler votre devenir et votre avenir. Certains parmi vous à qui je fais cette étude, j'ai même suggéré certains d'échanger immédiatement le nom. Parce que certains, surtout les femmes, là je fais allusion parmi les 3 personnes sur les 400 que je fais ce genre de consultation, il y a eu 3 personnes, 2 femmes et un homme. À ceux-là, seule une seule femme, je ne l'ai pas encore donné la proposition, mais les 2 autres, je leur ai dit, il faut m'échanger le nom. Parce que le nom a un rapport avec tous les malheurs qui vous arrivent. Oh, le commun des mortels se mettrait à rigoler en regardant M. Moré Onouvier qui parle, mais dire, mais oui, mais quel rapport y a-t-il, M. Onouvier? S'il vous plaît, cela a un rapport. Même les Blancs eux-mêmes, ils ont des livres. Ils ont des livres où ils vous détaillent le pouvoir qui se cache derrière votre nom. On ne donne pas le nom n'importe comment. Le nom se compose, le nom se charge, il y a même des rites. Abraham fit la même chose lorsqu'il eut son fils Isaac. Les écrits sont là. Jacob fit la même chose lorsqu'il eut ses fils. Les écrits sont là. Chez nous, au Gabon, dans nos forêts, beaucoup de nos vieux y décident, se réunissent, que voici notre sœur est en grossesse. Monsieur Mabika, votre épouse est en grossesse. Quel est le nom que vous allez donner à cet enfant? Le docteur nous a révélé que c'est un garçon. Qu'aimeriez-vous faire pour cet enfant, monsieur Mabika? Alors, monsieur Mabika va penser à ses rites ancestraux. Monsieur Mabika dira, accordez-moi encore du temps, s'il vous plaît, que je puisse consulter mes arcanes secrètes, que je puisse appeler mes parents de Mwilmangondou et du village 9 routes de Ndende, afin que mes ancêtres me disent quel nom. Alors, il rentre dans cette étude. Donc, pour me résumer sur ce premier aspect, le nom, l'étude de votre nom révèle exactement qui vous êtes. J'ai vu des gens dire, mais non, mais maître, vous me dites que moi, je dois gâter les hommes, je vais être homme. Mais alors qu'au fond d'elle-même, elle sait que le copain qu'elle a en ce moment, l'homme qui vit avec elle, qui ne veut pas habiter avec elle dans la même maison, mais elle garde cet homme-là. Chaque fois qu'il arrive, c'est des beaux repas. Elle saute sur le coup du gars. Et ça fait près de 10 ans qu'ils vivent comme ça. Mais elle se pose la question, elle ne m'a jamais posée. Mais moi, je vois ça comme ça. Elle se pose la question, mais pourquoi cet homme-là ne veut pas m'épouser? Qu'est-ce qui se passe? Mais maman, c'est votre nom. Mais dans votre nom, vous révèle que vous êtes un homme qui va être aimé, mais vous êtes une femme qui va être aimée par les hommes. Mais vous, de me renvoyer, me dire, mais moi, je ne suis pas mariée. Comment se fait-il que les hommes, vous me dites que les hommes vont m'aimer alors que je ne suis pas mariée? Mais qui vous a dit que vous devez être nécessairement marié pour que les hommes aient de l'admiration pour votre personne? Parce que votre nom n'a pas donné la révélation suivante. Mariage! Il y a une jeune femme, que je ne vais pas citer le nom, elle est en train de me suivre. J'ai fait une étude sur elle et j'ai découvert abondance d'enfants, beaucoup d'enfants. Et puis, quand je lui ai fait cette révélation, elle m'a dit, « Oh, maître, c'est vrai, oh, j'ai fait tellement beaucoup d'enfants. Je ne sais même plus comment faire. Mais malheureusement, pour le moment, avec l'homme avec qui nous on est là, on est bloqué, on ne peut pas faire les enfants. » J'ai dit, « Moi, ça ne me regarde pas, maman, pardon. Oh. Mais moi, ce que je sais, votre nom me révèle que vous aurez beaucoup d'enfants. » Une autre maman, je lui dis, « Voilà, croix, couronne, exil. Vous serez dans le monde, dans la politique. » Le nom me révèle que c'est, je vois, politique. La maman veut encore douter. « Oh, moi, politique, là, il pauvre, il n'y a point que je suis. Le reste, ce que vous dites là, c'est vrai. » Mais maman, qui vous a dit que là, vous avez seulement 34 ans, vous ne vous intéressez même pas à la politique? Mais est-ce qu'on vous a dit que parce que vous ne vous intéressez pas à la politique, est-ce que vous connaissez ce qui est prévu? Peut-être qu'à l'âge de 65 ans, qu'on va vous nommer à un poste politique. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, votre nom, c'est révèle votre devenir et votre avenir. Donc, ça, c'était très important de comprendre. Vous, quand vous m'envoyez vos informations, nom et prénom, C'est à cause du temps que ça prend. Donc, je rentre dans mes archives, je fais, je décompose votre nom et je découvre un nombre magique. Et ce nombre magique va me révéler qui vous êtes. Et vous pouvez même utiliser ce nombre pour aller jouer à la loterie. Et pour certaines personnes, ça leur porte bonheur ou malheur. Mais par exemple, je prends le nombre 400, combien là? Je prends un exemple. Quelqu'un a le nombre magique de 482. OK? Nous avons 482. Ça, c'est votre nombre magique. Mais ce nombre magique peut également être malheur. Je m'explique. Je vais maintenant trouver un nombre unitaire à partir de ces trois composantes. Nous avons unité, dizaine et centaine. 482. Mais je vais amener tout à l'unité afin de vous permettre de vous rapprocher de l'unité universelle qui est Teta Mwanga pour que vous deveniez un avec Dieu ou bien que vous deveniez un avec le diable. Alors, je vais prendre l'exemple. 482, ça fait donc 4 plus 8, ça fait combien? 12. D'accord? 12 plus 2, ça fait combien? 14. Alors, votre nombre unitaire, c'est 5. Mais que nous dit la magie de nombre à propos du nombre 5? Vous verrez que ce n'est pas un nombre très gai. Ce n'est pas un nombre très intéressant. Par contre, si ça aurait été le nombre 3, si ça aurait été le nombre 4, si ça aurait été le nombre 7, si ça aurait été le nombre 8, le nombre 9, peut-être. Mais le nombre 5, il porte à la fois le diable et le démon. Pardonnez-moi, ce n'est pas dans le langage religieux que je parle. Je veux dire que le nombre 5 est à la fois l'énergie négative et l'énergie positive. Par contre, le nombre 3, c'est un nombre de l'énergie positive. Parce que dans 3, il y a la triplicité. Et qu'est-ce que c'est la triplicité? Eh bien, on peut vous décomposer cela et vous expliquer. Mais là n'est pas l'objet de mon enseignement ce soir. Donc, ce nombre magique donc, va me révéler votre caractère, va me révéler beaucoup de choses. Maintenant, votre date de naissance, par contre, que je prends, toujours en fonction des informations astrologiques, ce nombre que moi, votre date de naissance, va me permettre d'aller dans l'espace et le temps pour savoir le jour où vous êtes né, quelle était la position de la Lune, quelle était la position de votre planète, position de Vénus, et ainsi de suite, les mouvements des astres en cet instant. Et c'est ainsi que je vais découvrir maintenant vos défauts. Par exemple, pour beaucoup d'entre vous, j'ai découvert que vous avez des colères explosives, des colères vraiment que vous ne pouvez pas maîtriser. Et pourtant, vous êtes très gentil, femme souriante, beau sourire, gentil, vous gâtez le mec. Mais malheureusement, vous avez un problème de colère explosive. Comment expliquer cela? Mais c'est à partir de votre nombre-là, de votre date de naissance. Car il a été prouvé que les femmes qui sont béliers, les femmes qui sont balance, les femmes qui sont taureaux, ont ce problème-là. Ce n'est pas de ma faute. Ça, c'est le mouvement astro. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une planète qui vient gaspiller tout ça. Bref, le temps arrive maintenant. Bon, maintenant, on va passer au deuxième aspect. Donc là, vous avez compris. Première explication sur l'étude personnelle. Deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle les consultations mystico-spirituelles. Les consultations mystico-spirituelles, c'est quoi? Ce sont les consultations qui permettent à l'opérateur ou à l'initié de simplement consulter les arcanes secrètes sous couvert de plusieurs éléments. Il peut le faire s'il est très bien entraîné à travers l'initiation douce et même à travers l'initiation forte. Parce que moi, j'ai un grand frère. Ce monsieur-là, avec le bois sacré ou sans bois de sacré, avec bois ou sans bois sacré, le monsieur est capable de vous consulter tout de suite. Il vous voit tout nu. Et c'est comme ça. Donc, pour lui, ces centres énergétiques se sont ouverts immédiatement depuis le jour qu'il a mangé son bois sacré. Mais par contre, il y a d'autres, il faut chaque fois manger le bois sacré pour être activé. Mais lui, c'est un don. C'est pour cela son bouti est tout à fait particulier. Je le respecte. C'est un grand frère. C'est mon grand frère. Ensuite, il y a d'autres qui, comme votre humble serviteur, j'ai tellement maîtrisé ce qu'on appelle l'initiation douce. J'ai fait beaucoup des exercices de méditation, de concentration, de télépathie, de télépsychie, de téléportation, de sortie astrale et toutes ces histoires-là. Ce qui a puis j'ai pratiqué le pranayama yoga, le yoga de l'éveil des kundalini, le serpent de feu, pour permettre l'énergie cosmique universelle de s'harmoniser avec mon énergie, donc l'énergie pranique. Alors, tout ça c'est le langage sanskrit, pardonnez-moi, juste pour vous dire que votre énergie individuelle a été individualisée par l'énergie de Tetamonga, donc le Dieu suprême, ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit. Donc, il y a eu une rencontre naturelle et surnaturelle surtout entre ce que les hommes d'église ou bien les religieux appellent l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin ou le Saint-Esprit avec votre esprit individuel. Et de par cette symbiose-là, vous avez finalement des phénomènes psychiques, on appelle ça phénomène psychique, c'est-à-dire vous aurez des qualités telles que la télaudience. Télaudience veut dire que vous allez maintenant entendre des voix. Les gens qui murmurent, vous êtes capable d'écouter des gens. Vous partez quelque part là, vous écoutez les gens qui parlent. Ça, c'est un. Vous aurez le don de télévoyance. Donc, vous pouvez voir dans l'espace et le temps. Vous regardez la personne qui est assise devant vous comme ça là. La personne, vous lui dites les révélations. Ceux qui étaient avec moi là-bas en France au Havre peuvent venir vous témoigner. Ils peuvent vous dire. Parce que beaucoup se disaient, quand je faisais les séances de consultation, oh là là, je vous dis, j'étais embêté maintenant. Tous les jours, je vais me faire consulter. Oh là là. Les gens ne suivaient même plus l'enseignement que l'histoire des consultations. Et je vous préviens que cette fois-ci-là, les consultations ne vont plus se faire tous les jours. Vous verrez dans le programme, les consultations vont se faire seulement le dernier jour. Je vais choisir peut-être 10 ou 15 personnes, c'est tout. Et même 15, là, c'est trop, peut-être 10. Donc, ça, vous vous asseyez devant moi, on se regarde face dans la face, et puis voilà, je vous dis qui vous êtes. Comment je le sais? Mais parce qu'il y a quelque chose entre votre corps et mon corps, qu'on appelle le corps orapicien. Donc, je suis capable de lire votre aura. Je sens les vibrations de votre aura. Donc, la fréquence de vibratoire de votre aura me donne et me révèle certaines informations. Mais ça ne s'apprend pas au hasard. Ça s'apprend. Moi, j'ai appris ça à l'école. Ça s'appelle à l'école de la pratique des magies cérémonielles. J'ai appris ça. Si vous voulez tout savoir. Donc, on vous apprend, c'est les techniques qu'on vous montre. Vous projetez votre esprit sur l'esprit de l'individu qui est devant vous, et puis vous êtes là, et vous le suivez. Donc, tous ces faits et gestes, sa façon de respirer, son corps vous révèle une certaine énergie. Donc, c'est en fonction de ça maintenant que vous commencez à lire. Voyez-vous, pour le début, vous allez vous embrouiller. Mais, quand vous avez déjà l'habitude professionnelle, telle que moi, je ne m'embrouille plus. Je vous vois, je vous regarde, même à travers le téléphone. Par exemple, vous m'appelez en vidéo, sur votre téléphone vidéo, là en vidéo, je peux vous dire qui vous êtes. Ça s'appelle l'auto-vibratoire. C'est la même chose quand je fais les guérisons à travers ma chaîne. Donc, cette consultation mystico-spirituelle, il y a intervention des esprits. Je m'explique. Mon esprit à moi, mon âme, rentre en communion avec votre âme. C'est ainsi que je peux lire. Il y a l'autre méthode. Il y a des mamans qui ont amené, par exemple, des photos. Je m'en souviens, il y a une maman là qui s'est fait consulter. Elle m'a amené des vieilles photos pour me montrer ça. Elle me pose la question, mais que penses-tu de telle? Et à travers la question qu'elle me pose, je suis capable de lire sur cette photo parce que la photo me donne certaines informations. La photo, malgré le fait que la photo avait déjà plus d'un an, 5 ans, j'ai pu déterminer que sa fille était très amoureuse d'un homme. Mais malheureusement, cet homme-là l'avait tellement manipulée, profitait d'elle seulement pour le sexe. L'argent, c'est tout. Mais en réalité, il n'y avait pas un amour. Bref, j'ai fait certaines révélations. Ça a surpris la maman. Elle a pris la photo de son mari. Que dis-tu de cet homme? Je lui ai donné toutes les révélations. Comment cet homme-là l'aime, tout ce qu'il fait, comment il est maltraité au sein de la belle famille. Elle était surprise. Alors que moi, je ne connaissais pas cette dame-là. Elle venait, je ne sais pas de quel coin de la France. Donc, mais qui me donne ces informations? Il y a deux possibilités. À un moment donné, moi-même, je m'embrouille parce que je ne sais pas si c'est mon esprit qui est tellement développé ou bien. Ce sont les esprits de l'au-delà. Donc, voilà pourquoi je dis que la deuxième forme de consultation est une consultation qui vous permet de rentrer dans les arcanes secrètes. Mais vous pouvez rentrer dans ces arcanes secrètes consciemment ou inconsciemment. Donc, quand vous me donnez la photo à distance, je lis, ou bien si je la touche, je peux avoir certaines informations à la touchant. Cette photo, la chaleur qui va se dégager de cette photo peut m'indiquer que la personne qui est votre parent dans cette photo vit un danger. La chaleur, s'il y a une chaleur très forte qui tente de me brûler pendant que je pose ma main, on appelle ça voyance par interposition des objets et par le toucher. Donc, en touchant la photo, si la photo est froide, je vous dirai que la personne va bien. Mais si la photo est tellement chaude au point de me brûler, je vous dirai que cette personne-là, elle est malade ou bien elle va bientôt mourir. Voilà comment on fait. Et il y a aussi ce qu'on appelle la cartomancie. Votre humble serviteur maîtrise ça. Mais quand j'étais en France, là-bas, je n'ai pas fait. Ici, avec les Américains, parfois, je le fais. Donc, il y a des cartes, les cartes de Marseille, les cartes de l'Enchanté, les cartes de la sorcière, les cartes, n'importe quelle carte, mais on appelle ça les, la cartomancie. La cartomancie, c'est la méthode qui consiste à consulter les personnes à base de cartes. Donc, je peux choisir quatre cartes. Et sur ces quatre cartes, on parlera de l'amour, du travail, de la protection ou de la famille. On va choisir des thèmes. Maintenant, la personne choisit. Et vous, on pose les cartes et moi, ces cartes sont magnétisées. Maintenant, la personne, je demanderai à la personne de choisir l'une des cartes, car la carte qu'elle va choisir inconsciemment, hein, sans son vouloir, ce sera ça le problème majeur de sa vie. Et souvent, j'ai vu des cas, paf, elle soulève la carte, problème de travail. Et c'est comme ça, je dis, OK, vous n'avez pas besoin de me dire. Vous avez des problèmes dans votre travail. Mais en fait, pour être honnête, vous êtes même au chômage. Vous êtes en train de vous battre. La personne se met à crier, oh, mais ça, c'est la sorcellerie. Mais non, parce que cette carte, ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est votre main qui est partie la choisir. La même chose, votre main veut tomber. Ça dépend de la manière dont l'opérateur a chargé cette carte-là. Si, par exemple, j'ai chargé la carte pour l'amour, travail, études et protection, boum, vous pouvez choisir la carte amour. Je vous dirai oui. Et quand je toucherai cette carte, par la chaleur de la carte, je peux déterminer que votre foyer est stable ou instable. Donc, pour conclure ceci, que la différence entre les consultations de l'étude complète individuelle et les consultations mystico-spirituelles se base sur plusieurs facteurs. La première consultation, qui est la consultation de votre étude individuelle, ça a un rapport avec l'étude astrologique, les mouvements des astres. Et ensuite, il y a une méthodologie que vous pouvez avoir une formation dessus. On vous apprend à décomposer le nom de la personne. Ça, il y a deux méthodes. La méthode ancienne traditionnelle africaine et la méthode des Blancs. Il y a des livres qui sont disponibles. Donc, cette méthode-là vous permettra que chaque nom composé de certaines lettres et que ces lettres-là ont une signification. Par exemple, la lettre A, c'est le nombre 1. La lettre N, c'est le nombre 40. La lettre J, c'est le nombre 600. Et ainsi de suite. Hein, la lettre E, c'est le nombre 4. Bref, il faut connaître tout cela. Et quand vous faites la combinaison de tous ces nombres-là, vous faites l'addition, ça va vous donner certaines informations telles que les qualités de la personne. Mais par contre, vous allez maintenant ajouter la date de naissance de l'individu. Là, ça va rentrer en direct avec les mouvements des astres au jour de la naissance de cette personne. Comment vous le savez? Eh bien, voilà, nous avons des livres qui partent des années, 1910 jusqu'à l'an 2040, qui nous montrent tous les mouvements des astres. Je dis bien de 1910 jusqu'en 2040. Ça m'avait coûté près de 1 million de francs CFA, ce livre-là. Je l'ai. Donc, je rentre là-dedans et je vois que si vous êtes né en 1972, je vais regarder. La personne est née le 27 septembre 1972. Quel était le mouvement des astres ce jour-là? Voilà, c'est comme ça. Mais comme ça me prend tellement du temps, voilà pourquoi je vous charge 140 euros ou 150 dollars. Maintenant, l'autre étude, c'est plutôt le concours des esprits. Je vous ai dit, parfois, moi, quand j'ai une difficulté, que je me sens fatigué, je me concentre, je pense à ma mère, parce que ma mère, elle était guérisseuse, ma mère, elle était voyante aussi. Ma mère était une initiée du Mouroulou, initiée du Nyembi, de Bilombo. Donc, je me concentre à passer à ma mère, ta maman, Tsabungtenga, s'il te plaît, interviens ici-là. Donc, je le dis dans le cœur. Ainsi, elle va me souffler des réponses pendant que je vous consulte. Voilà, ça, c'est une autre forme. Ça s'appelle la consultation médiumique, donc par esprit interposé. Donc, il y a mille et une formes de consultation. Ça peut être votre habit, je peux toucher votre habit. Ou bien vous m'amenez l'habit de votre mari qui est décédé, je peux vous dire comment il est mort, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. D'accord? Donc, par le toucher. Voilà, en un mot, la différence. Il y a une grande différence parce que l'un, c'est juste de l'astrologie et l'autre, par contre, c'est accès aux arcanes secrètes. Donc, j'en ai terminé pour ce chapitre. Et puis, voilà. Avez-vous des questions? Parce que, souvenez-vous, l'objectif, c'est de ne plus trop parler, mais vous permettre de parler beaucoup. Je vous laisse maintenant la possibilité de poser des questions sur cette thématique. Avez-vous des questions en rapport avec cette thématique, s'il vous plaît? Battery 100%. BlackBerry BB1005 connected. Thank you. Pardonnez-moi, je suis obligé de couper, je ne joue plus avec le temps. J'ai enregistré 14 questions. Wow! 14 questions. Maintenant, pour ceux-là ou celles qui ne verront pas leurs questions rapportées, ben, il faut me les amener là-bas là, dans les forums. Parce que pour moi, il est question maintenant de limiter mon temps à 1 heure, voire 1h10. La dernière fois, on a fait 1h25. Aujourd'hui, je vais me limiter à 1 heure, maximum 1h10. Première question. Quel est le prix de l'étude de complète? C'est ce que j'ai toujours fait depuis un bon moment. C'est 140. Papa, moi, maintenant j'arrête. Voilà, vous me posez la question. Comment on apprend la magie? Peut-on pratiquer la magie des cérémonies? Il faut d'abord être initié à la magie cérémonie pour connaître tous ces mécanismes. Le prix de l'étude, la consultation que j'ai toujours chargé à tout le monde, pour ceux qui me connaissent déjà, c'est 140 € ou $150. Et je crois beaucoup. Je peux vous dire 99% des gens sont satisfaits. Comme je vous ai dit, il y a eu seulement 3 sur 400. Mais ces 3-là n'ont pas dit que c'était faux. Non, ils ont seulement quelques réticences sur certaines informations. Mais je crois que la technicité a été expliquée dans cette vidéo au début. Okay? Donc, c'est 140 € si vous vivez en France. Si vous êtes en Afrique, c'est 80 000 francs CFA que vous envoyez par MoneyGram ou bien Western. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou encore au Canada ou en Allemagne ou partout. Vous envoyez en $150 ou $140. Bien. Est-ce que j'ai repris avec mes consultations? Oui. Là, je crois qu'il y a deux mamans là qui ont déjà reçu leur argent et leur étude est prête. Elles vont vérifier. Il faut vérifier vos courriers. J'ai déjà répondu à travers les emails que vous m'avez donnés. Donc, généralement, quand vous me donnez vos informations, nom, prénom et date de naissance, n'oubliez pas de joindre également votre email parce que c'est là-dedans que j'enverrai votre étude complète et la somme de 140 € et on vous communiquera l'adresse ou le compte dans lequel il faut envoyer l'argent. Jésus était-il noir? Oui, la réponse est oui. Je ne vais pas trop faire des commentaires parce que j'ai plus de 15 vidéos où je vous prouve, même dans la Bible, où on dit qu'il était noir. Dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, le chapitre 4, lisez-moi ce verset. On dit bien que Jean a vu quelqu'un qui était assis, qui était sur le trône là, il était noir. Donc, Jésus était noir, oui. La réponse est oui. Et là, récemment, on vient de poster des documents à gauche, à droite. Eux-mêmes au Vatican, la statuette de Jésus au Vatican, on montre que Jésus est noir. Le nombre magique pour lequel on peut jouer à la loto, puisque je disais qu'effectivement, votre nombre à vous, si c'est un nombre positif, vous pouvez même jouer à la loto. À la loto, souvent, soit vous utilisez des nombres en unités ou des nombres en dizaines. Donc, souvent, le nombre qui apparaît, j'ai vu rarement un nombre qui donne une unité seulement. J'ai vu des nombres qui vont jusqu'à 4, c'est-à-dire 1200, 5425. Donc, vous prenez 5, 4, 2, 5, Donc, ces nombres-là peuvent, d'une manière ou d'une autre, si à la fin, les révélations qui sont sur votre nom sont des révélations dites vraiment, qui vous donnent vraiment, qui confirment votre vie, il y a de fortes chances que vous puissiez gagner la loterie. Mais moi, je ne crois pas à la loterie. Je ne vous y encourage pas du tout. D'accord? Vous venez me dire que vous avez 17 ans, vous allez avoir l'argent. Mais toi, tu viens chercher quoi ici à l'âge de 17 ans? Tu ne veux même pas suivre les choses là, ici. Là. Oh, ça, c'est réservé aux gens qui ont plus de 18 ans. Hein? Mais ici, là, au pays des Blancs, même à l'âge de 15 ans, les gens travaillent. Il faut demander l'argent à maman et à papa. Ils vont te dire. Ils vont t'aider. L'étude de la cartomancie. Bien. L'étude de la cartomancie, oui, vous pouvez la faire. Moi, j'ai étudié la carte de, les cartes de Marseille. La carte de Marseille, celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Il y a des écoles en ligne en France. Maintenant, si vous trouvez que c'est compliqué, commandez en ligne. Allez-y sur Amazon et cherchez cartomancie ou bien carte magique. Vous cherchez seulement carte magique, carte de consultation magique. Mais vous verrez, il y en a plein. Ça ne coûte pas plus de 40 euros. On vous enverra ça. Et ils vous enverront même le manuel, comment vous pouvez commencer à pratiquer. Bon, oui, donc je réponds à la question 6. Quels sont les éléments qu'il faut pour faire l'étude complète? Je disais, il faut le nom, prénom et date de naissance. 7. Quelle consultation vais-je recommander aux Africains ou aux Blancs? Je n'ai pas de recommandation à vous donner. Les Blancs, là, n'est-ce pas, ils vont... Oui, là, le tarot de Marseille, c'est ça dont je parle. Les Blancs, là, quand ils vont là-bas, à Paris, il y a plein de marabouts, non? Les marabouts, là, c'est des Sénégalais, des Maliens. Il y en a plein. Il y a même nos frères du Buitio, j'ai appris ça, qui consultent maintenant les gens, qui font le Bunganga là-bas maintenant. Bon. Alors, moi, quelle consultation je vais vous conseiller? Vous choisissez ce qui vous met à l'aise. Si vous choisissez la personne qui est... que vous avez le bon témoignage, parce que ça part de bouche à oreille. Moi, je vais vous dire, hein, beaucoup de gens qui sont venus me consulter, vous savez, la majorité venait pour me tester. Non, elles ne l'ont pas fait pour me tester si vraiment je suis voyant ou pas, mais c'était pour venir confirmer sur tout ce qu'on leur a dit. Parce que beaucoup sont venus là. Ils étaient surpris. Je leur dis, non, vous, c'est seulement combien même, je ne me rappelle même plus si c'est 100 euros ou combien là. Il y a ceux qui donnaient 200. En tout cas, chacun donnait en fonction de son prix. Vous savez pourquoi? Mais parce que ces bandes de voyous là, de nos frères africains, ils les demandent jusqu'à 2000 euros pour une consultation. Mais franchement, mais ça, c'est l'escroquerie. Ça, c'est l'escroquerie. Et maintenant, il y a près de 4 personnes là qui m'ont dit, mais vraiment, maître Mouere, merci, oh, parce que là, là, là, j'ai dépensé des milliers d'euros. Mais regardez, ce que vous m'avez dit là, en réalité, c'est ce que moi, je soupçonnais. Ça, c'est ce que je sais. Et j'ai vu, en France, là-bas, il paraît, vous pouvez aller en ligne, non? J'ai consulté avec les voyants blancs là, ils m'ont vraiment dit, tout ce que vous me dites là, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je dis, ah bon, donc toi, tu es venu pour me tester. Il dit, non, c'était parce que nos frères africains là, beaucoup, c'est des macros. Ils vont faire du bruit avec des ceci, avec les gros boubous pour vous influencer. Faites très attention. Donc, à la question là, consultation, qui puis-je vous conseiller? Moi, je ne peux pas vous conseiller. Oh. Je ne peux pas vous conseiller. Parce qu'après, vous allez dire, non, c'est Maître Mouere, on oublie. En France, j'en connais peut-être 4, mais qui sont... Il y a une, deux blanches, un haïtien, et je crois que l'autre, c'est un indien. Bon. Mais ces mecs-là, ils demandent beaucoup d'argent, mais avec eux, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup plus avec les présidents, les ministres. Voilà pourquoi leurs prix sont trop élevés. D'accord? Bien. 8. Longanga, peut-il voler nos chances pendant qu'il nous consulte? Bon, moi, je n'ai jamais été consulté un ganga. Donc, pour moi, il m'est difficile de répondre à cette question. Mais si vous me posez la question en tant que connaisseur des sciences ésotériques, je vous dis oui, il n'y a pas que l'onganga. Hein? Pour ceux qui sont nouveaux là, l'expression ganga s'adresse beaucoup plus aux adeptes du Bouiti. Si vous êtes au Gabon, vous entendrez parler du mot ganga. L'onganga, en fait, c'est la terminologie initiale, c'est le prêtre, c'est le guérisseur, c'est l'intermédiaire entre le commun des mortels et les dieux. Normalement, c'est ça. Ça, c'est ce que mon parent, le prêtre Birinde, dans sa Bible noire, le Bouété, c'est là, il explique comme ça. Bon, maintenant, nos amis du Bouété aujourd'hui, nos frères, même j'ai mangé le bois sacré, je suis dans le Bouété, ils expliqueront que l'onganga, en fait, même quand vous allez vous faire initier, c'est l'onganga que vous allez voir. Donc, c'est là, le gars qui maîtrise les plantes. Okay? Vous pouvez être un ganga sans avoir mangé le bois sacré nécessairement. D'accord? Il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire que si vous maîtrisez la botanique, tout ce qui est dans la faune et la flore, et que vous êtes capable d'apporter la guérison aux gens, vous êtes Nganga, c'est-à-dire le connaisseur des plantes, celui qui utilise la plante ou les feuilles ou les racines d'arbres pour apporter la guérison. Hein? Comme on le dit dans le livre des saints, là, que Dieu a créé les arbres pour la guérison des nations. Le pasteur peut être appelé aussi Nganga. Le prêtre, on peut l'appeler Nganga. L'imam, on peut l'appeler aussi Nganga. Donc, mais je comprends le sens de la question. La personne qui me pose la question, elle est gabonaise. Donc, je vais répondre dans le contexte purement gabonais. Quand vous êtes en face d'un Nganga, est-ce qu'il peut voler votre chance pendant que vous faites consulter? J'ai appris et j'ai entendu beaucoup de complaints, réclamations, des gens qui se sont plaints que oui, quand ils sont partis, ils sont redevenus là-bas qu'à la boignée. Et j'ai suivi un petit frère là, il est dans la diaspora gabonaise, je ne vais pas citer son nom. Il nous a fait jouer le témoignage d'une jeune gabonaise, une jeune sœur, qui était malheureusement séquestrée dans un banja, dans un lieu de l'éveil de la conscience à travers le Bouété, mais que le mec là-bas vraiment abusait d'elle, il les couchait, il faisait des pratiques bizarres. Donc, à cette question, je peux dire oui et non. Il peut arriver que le type, puisqu'il a une vision sur vous, hein? Moi, je vous ai toujours enseigné ce qu'on appelle l'étoile, non? Votre étoile. Donc, votre étoile qui brille là. Si le Nganga voit ça vraiment et que c'est un Nganga négatif, tout comme on trouve des prêtres et des pasteurs négatifs, bon, il n'y a pas que chez les bouddhistes, non? Donc, si le mec a un cœur noir et il voit en vous des pouvoirs, il peut les exploiter. Hein? Tout comme les hommes qui cherchent les belles filles là, ils voient la pauvre fille, oh non, toi, coller avec la fille. Et vous, bêtement aussi, vous tombez. Donc, maintenant là, vous allez faire comment? Le type peut-être veut voler votre chance. Oui. À cette question, je dirais oui. Le Nganga peut-il voler vos chances pendant la consultation? Il y a probabilité. Je ne peux pas répondre à 100%, mais il y a probabilité compte tenu du fait, sur la base des informations que j'ai eues des gens. Y a-t-il une technique pour se protéger? Mais oui, il faut vous protéger. Vous voulez me demander quelle technique je vais vous montrer ici là au public? Oui, il faut vous protéger. Il y a des techniques pour vous protéger contre ce genre de salopards. 9. Comment charger son nom mystique? Le nom mystique se charge par des techniques que je ne peux pas diffuser ici. Ceux qui étaient avec moi au séminaire en France, ils connaissent la technique. Et parmi ces techniques-là, nous avons parlé des techniques de la croix, nous avons parlé des techniques de croiser les jambes, nous avons parlé des techniques de croiser les doigts et tout, et tout, et tout. Tout était basé sur ce qu'on appelle le phénomène de croix. Et il y a bien d'autres techniques à cela où vous pouvez charger votre nom. C'est-à-dire, le nom, comment on le charge? Vous le composez d'abord, c'est en composant, en faisant la composition du nom. Si vous voulez, parce que là, je sais qu'il y a un couple qui m'a contacté, mais après, ils ont fouillé, comme je leur ai dit que non, moi, je ne vais pas leur faire cadeau. Moi, oh, moi, nous, on va faire un enfant bientôt, oh, vraiment, on aimerait que vous me donniez un nom. Je dis, oh, vous en donnez, moi, je vais donner un nom. Maintenant, moi, si je vous donne mon nom à moi et le nom de mon grand-père, vous le connaissez? Et ils sont là-bas, ils ont dit, non, on va trouver des noms pour que tu nous fasses ça. Je dis, mais il faut payer, ils ont disparu. Bon, c'est comme ça, on charge le nom. C'est-à-dire, vous là, si vous êtes dans un couple, maintenant que l'enfant va venir bientôt, vous me contactez à l'avance. Vous me dites 3 mois à l'avance que non, M. Mouéré, je vais pouvoir ici, donner à mon enfant un nom. Donc, vois-vous quand vous me consultez, je vous dirai la facture, hein. Ce n'est pas 140, hein. Ça va être autour de 300 euros. Vous m'enverrez les 300 euros et nous allons travailler ensemble. Je vais call off ici, là. Donc, je vais me demander de ne pas aller au travail. Je fais ce que ça. Jour et nuit, je vais faire des compositions, je fais les compositions, je choisis les lettres, ici, cela, et j'invoque les génies. Maintenant, une fois ce nom-là est fait, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez que cet enfant-là devienne. Si vous me dites que nous aimerions que cet enfant-là devienne, par exemple, un ingénieur ou bien président de la République, bon, on va le faire. On charge, et vous-même, je vais maintenant vous donner la preuve que voilà, le nom que vous avez donné là signifie président sera homme public, sera homme politique. Homme intelligent, va dominer, va avoir le pouvoir, croix et domination. Donc, une fois on trouve ce genre d'informations-là, je vous dis, voilà, votre nom a été chargé. C'est comme ça qu'on charge le nom. On charge le nom, c'est quand on le compose. OK? Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand vous me donnez votre nom-là, si votre nom porte malheur, vous saurez à partir des informations que je vous envoie que, oh mon Dieu, le maître me dit que moi, les hommes, je vais avoir le succès, les hommes vont me rater, mais jamais. Il m'a dit que je vais me marier, mais c'est quoi cette affaire? Maintenant, je peux changer votre nom pour qu'on trouve le nom mariage. Mais c'est vrai, au pays des Blancs, c'est facile. Mais là-bas, au Gabon, vous allez aller au tribunal. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe. Chez nous, ici, aux États-Unis, vous pouvez changer votre nom quand vous voulez. Au bout de 3 mois, vous avez, avant même 3 mois, vous avez déjà le nouveau nom. Je crois même que c'est autour de 1 mois seulement. On vous envoie ça par courrier. Voilà votre nouvel acte de naissance. C'est terminé. Voyez-vous? Donc, voilà comment on charge le nom. C'est en le composant et en faisant certaines techniques également spirituelles. Est-ce que la confession est une consultation? Je ne crois pas. Hein? Non, non, non, non, non. Sous-entendu que si vous parlez en tant que catholique, puisque moi je suis un ancien catholique, bon, vous devez présenter devant le prêtre. Mon père, oui, bon, moi, je suis Mademoiselle Matsanga Victorine. Oui, je vous écoute. Bon, je vis avec un homme. Oui. Quel homme? Il est marié ou il n'est pas marié? Bon, là, vous faites une consultation. Oh, il est marié. Le nom de ce type-là, c'est qui? Oh, mais mon père, bah, écoutez, vous confessez auprès de Dieu, oui ou non? Bon, le monsieur s'appelle Monsieur Ndomba. Eric. Quoi? Ndomba, Eric, le ministre? Oui, parce, oui, mon père. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis venu demander pardon pour que vraiment vous me donniez la force. OK, ma fille, Dieu vous a pardonné. Là, la confession là est à la fois une consultation. C'est-à-dire que quand vous faites votre confession auprès du prêtre, parce que en ce que je sache, on ne confesse jamais auprès d'un pasteur. Non, non, non, ce n'est pas son rôle. D'accord? Donc, vous avez fait votre confession auprès du prêtre, auprès de votre père qui vous a mis au monde. Moi, mes enfants me consultent. Oui, oui, oui. Pendant que me parle, elle fait sa confession, je dis, mais toi, pourquoi tu as fait cette bêtise? Si, dans ce cadre bien précis, familial ou bien religieux catholique, on peut dire que la confession est une consultation, parce que c'est avec série de questions à réponse. Mais sinon, en réalité, ce n'est pas ça. Vous confessez, vous parlez à votre Dieu tranquillement, on n'a pas besoin d'un humain. Et je ne vous ai pas donné ma position. Je ne vous ai pas donné ma position. Moi, je ne soutiens pas les soldats d'aller voir un prêtre pour confesser. Non, non, non. Il n'a pas un pouvoir pour vous enlever le péché. 11. Comment reconnaître le vrai du faux? C'est-à-dire que comment reconnaître le vrai voyant du faux? La réponse, là, vous appartient à vous. Ceux qui sont venus me voir au Havre, là-bas, eux-mêmes, ils ont su si j'étais vrai ou faux. Je sais que beaucoup étaient obligés d'aller appeler les autres. Oh, yo, voilà ce qu'il m'a dit. Oh, voilà ce qu'il m'a dit. Donc, là, ils ont reconnu que j'étais vrai. Donc, pour vous, afin de reconnaître la personne qui vous consulte, si elle est vraie ou fausse, c'est vous-même, en fonction de votre propre expérience. Parce que vous aussi, il faut savoir directiver, comment on appelle ça? Il faut savoir poser vos questions. Vous pouvez désorienter le voyant. Le voyant vous pose la question, qu'est-ce qui vous amène? Bon, ah, mais vraiment, c'est une consultation, hein? C'est comme si vous partez voir un médecin. Voilà. Moi, vous venez me voir. Moi, je vous pose des questions. Moi, je ne veux pas seulement être là, seulement en train de lire votre pensée. Bon, dire, bon, moi, je vois ton esprit là, il est calboigné. Il y a même des mamans qui tremblaient, qui transpiraient devant moi. Elles étaient obligées de croiser les pieds, croiser les mains, parce qu'elles étaient mariées, elles avaient peur. Et c'est vrai, je voyais certaines de ces femmes-là qui sont des bandites qui trichaient leur mari. Donc, elles se sont dit que, oh, le type va tout dire. Vraiment, il va, pardon, il transpire. Non, moi, je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je vous pose des questions. Vous venez me voir, pourquoi? Mais si vous ne me dites rien, que vous me dites, non, voilà, je suis là, on dit tout de moi. Ok, je vais commencer. J'ai d'abord un, toi, tu es une bandite. Tu as deux copains, alors que tu es marié. Et ensuite, au travail, là-bas, toi, tu ne fermes pas ta bouche. Tu es toujours en train de te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Oh, toi, tu as le Congo, ça. Voilà. Ensuite, le mari, là-bas, c'est vrai, tu lui fais bien à manger, mais pourquoi tu lui avais fait le fétiche? Tu es allé voir une femme haïtienne, là. Tu lui as fait un fétiche que tu as mis dans sa nourriture. Vous voyez? Ça va faire fuir les gens. Mais, moi, je ne veux pas aller à ce point-là. C'est pour cela que je préfère vous poser des questions. Je veux vous dire, je suis là, je vous écoute, madame ou monsieur, quel est votre problème? Bon, maître, j'aimerais que vous puissiez voir un peu mon problème des études-là. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Parce que je suis quand même un jeune homme, hein, je vais à l'école, hein, j'ai un cerveau normal, mais je ne conçois pas qu'à chaque fois je vais mémoriser rien, ça ne rentre pas, ça sort ici, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas aussi trop accuser les esprits, je ne peux pas aussi trop accuser l'oncle. Je vais demander, bon, mais toi, est-ce que tu ne fumes pas le chanvre? Il faut être honnête quand je pose des questions. Tu ne fumes pas un peu le chanvre? Oh, si. Oh, un peu ou bien beaucoup. Voilà, là, je vois la personne maintenant qui se bloque. Un peu ou beaucoup? Suis. Voyez-vous? Donc, deux fois, L'abus de substances chimiques, ce que j'appelle les anabolisants, peuvent bloquer votre esprit. Bon, bref, je vais vous donner un exemple sur cette question, comment reconnaître le faux du vrai. Mais c'est tout simplement par rapport à votre manière de vous exprimer. Si vous venez dire ici, là, bon, maître Moret, oui, j'aimerais que vous me jetiez un coup d'œil dans mon mariage, là. Moi, mon mariage, ça ne va pas. D'accord? C'est ce que vous voulez savoir? Oui. Bon, maintenant, je vais vous dire. Ton mari, là, s'appelle comment? Oh non, monsieur Albert, je... oh, d'accord, ça va. Ah, d'accord. Mais je vois que votre mari, là, vous aime beaucoup. Oh, Bassé. Oui, il ne faut pas me dire Bassé, ça, c'est normal. Un homme doit aimer sa femme. Bon, mais le fait qu'il vous aime beaucoup, là, mais il y a aussi quelque chose qu'il fait, c'est qu'il a un plan, mais il ne veut pas vous dire. Il a un plan qu'il cache, ceci, cela. Ah bon? Oui. Oh, je me rappelle la dernière fois. Et voilà, c'est comme ça la consultation continue. Parce que vous êtes venu me poser la question, essayez de regarder un peu ma situation avec mon mari. Ouais, donc, il faut savoir, vous aussi, quand vous allez consulter ces gens-là, il ne faut pas trop accuser les pauvres gens. Oh non, ça, c'est un faux. Il ne m'a pas dit la vérité. Mais toi, tu vas lui poser la question sur la banane, alors qu'en réalité, tu voulais lui parler du manioc. Mais vous allez embrouiller le monsieur. D'accord? Bien. Quel est le plus bénéfique? Ah, la question là. Voilà, sur les nombres. Le nombre 7. Quelqu'un a posé une question sur le nombre 7. Bon, pour moi, le nombre 7, c'est un très bon nombre, hein, comme le nombre 8. Je crois avoir souligné cela quelque part. Que le nombre 7, c'est quoi? Le nombre 7, c'est... nous avons dans le 7, nous avons le 4, nous avons le 3. Et le 3, c'est la triplicité. Le 3, c'est homme, âme et Dieu. Nous avons homme, âme et Dieu, donc homme, esprit, Dieu. Donc, la triplicité pour exprimer votre existentialité. Et nous avons le 4. Le 4, c'est l'élément terre, Malkout. Donc, 4 symbolise la terre. Ça veut dire que vous avez le 3 qui est à l'intérieur du 4. C'est un très bon nombre parce que c'est très facile même à représenter sur, dans nos hiéroglyphes égyptiens. Voilà comment on écrivait normalement le nombre 7. C'était comme ça. Le nombre 7. Voilà comment nous on écrivait le nombre 7. Voilà. 7. Voilà le nombre 7. D'accord? Et même si vous comptez le nombre de lignes, il y en a 7 également. Il y en a 7. Le carré en a 4, le triangle en a 3. Ça fait 7. Mais dans la compréhension initiatique, ça, c'est ce que l'homme veut normalement devenir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez intégré cette unité, vous avez intégré cette unité à travers votre initiation, à travers le triangle, donc ce triangle qui est votre esprit, votre âme et votre corps physique le plus grossier, vous avez réussi à faire la symbiose, donc vous êtes maître de vous-même, vous êtes maître de la matière. À travers donc la maîtrise de la matière, vous êtes capable donc d'être à la fois maître de la matière qui est l'élément 4, donc 4 qui symbolise la terre, Malkout, la matière. Vous maîtrisez la matière, mais en même temps, vous maîtrisez aussi l'esprit qui est au sommet de cette pyramide, donc votre triangle. C'est ainsi que, pour moi, donc, le nombre 7 fait partie des bons nombres, tout comme le nombre 8, pour ceux qui ont suivi mes autres enseignements. Maintenant, l'autre question, c'est quoi, là? Quel est le plus bénéfique? Je ne sais pas si... Quel est le nombre le plus bénéfique? Le nombre le plus bénéfique, c'est en fonction du nombre que je trouve sur votre nom. Si ce nom-là, après composition, va vous amener toutes les expectations de la vie. Moi, j'ai fait, beaucoup de personnes m'ont dit, oui, vraiment, maître, oh là là, tout ce que vous me dites là, c'est vrai. Moi, je n'ai pas de commentaires à ajouter, vraiment. Merci beaucoup. La personne est satisfaite. Mais après, la personne me dit, bon, mais là, vous m'avez dit que c'est politique, c'est vrai, je me suis lancé dans la politique, j'ai des problèmes, mais comment renforcer alors mon pouvoir dans la politique? Là, c'est un autre chapitre. Je ne fais que vous révéler ce que votre nom vous dit. C'est-à-dire que la personne qui vous a donné son nom-là, sûrement savait que mon enfant-là va être grand quelqu'un, il va être dans la politique, il va être un gars très influent. Il y a un activiste là, que je ne vais pas citer le nom, il était très surpris, il m'a consulté en privé et je lui ai déballé tout. Moi, je ne savais même pas, je n'avais pas un rapport. Je ne l'ai su que quand il est venu faire un live et qu'il parlait du combat, comment il a combattu le régime, étant... Bref, je ne vais pas trop donner des indices ici pour que vous ne sachiez pas de qui il s'agit. Effectivement, quand je fais son étude, vraiment, le monsieur m'a dit à 1000% ce que vous dites, c'est vrai. Parce que voilà. Bref, donc, le nombre le plus bénéfique, c'est celui qui sied à votre vie. Comment concentrer son énergie pour dominer celui qui est en face de nous. Bon, je ne vais pas vous montrer la technique ici, naturellement. Là n'est pas l'objectif de Tata Nzambe, le Tout-Puissant. Sinon, même l'enfant de 17 ans là qui est venu là nous distraire, il est là, hein, il nous suit. Ouais, on ne sait pas que les enfants de 17 ans qui nous suivent. Bon, mon petit de 17 ans là, sache que la chose là, c'est pas réservé aux enfants de moins de 18 ans. C'est vrai qu'ici là, on ne parle pas de mauvaises choses. Mais vous, les enfants d'aujourd'hui là, même à 15 ans, tu connais déjà les choses que maman et papa et maman font. Bon, on va encore faire comment. Mais tout de même, YouTube a ses règlements. Alors, comment se concentrer? Mais quoi là? La question disait quoi? Comment concentrer son énergie pour dominer celui qui est en face de nous? Il y a des techniques pour cela. Il faut vous initier. Si vous ne vous initiez pas, je préférerais dévoiler ce secret dans mon forum. C'est vrai que même dans le forum, là aussi, il y a des fuites. Parce que j'étais surpris. Quelqu'un me dit que maintenant, mes secrets sont même là-bas, dans les villages les plus reculés du village du pays qu'on appelle le Burkina Faso. Et en Côte d'Ivoire, c'est partout, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, même là, les enseignements qu'on vous donne sous le baba, vous prenez, vous likez, après vous envoyez maintenant chez vos mille et un copain et copine. Oh, pardon, fais-moi l'histoire de la poupée. Surtout l'histoire de la poupée, là, oh là là, toutes les femmes, j'étais surpris. Hein? Même les femmes blanches, même de moindre méthode maintenant. La poupée. Bon, c'est une bonne chose. Je taquine un peu, mais rassurez-vous que pour concentrer son énergie afin de dominer la personne qui est en face de nous, j'ai montré certaines techniques au cours du séminaire. L'une des techniques, c'est la technique d'intériorisation et d'affirmation du pouvoir divin en nous. Il y a une technique. Ensuite, il y a la technique de la croix. Et c'est ainsi que cette technique de la croix, si vous voulez que je revienne dessus, bon, je vais faire profiter au public. Ça, c'est une forme, ça, c'est la croix. Cette technique, c'est la croix. Quand vous croisez vos pieds et que vous partez à une interview ou bien vous êtes en face de quelqu'un, c'est une technique aussi de concentration sur l'énergie. C'est-à-dire que même si vous partez chez les gangas, pas n'importe quel ganga, parce que si vous venez chez moi, je vous ai dit, j'ai vu des mamans qui ont croisé les pieds. Elles avaient peur que je puisse lire leur aura. Mais en réalité, ça marche. Mais moi, j'ai un double avantage parce que je maîtrise à la fois l'initiation douce et l'initiation forte. Donc, ce n'est pas évident. D'accord? Alors, la technique, c'est celle-là. Si vous vous retrouvez dans un endroit que vous trouvez malsain, vous croisez vos pieds. Et donc, vous formez la croix des pieds. Vous créez également la croix des mains, comme ceci. OK? Vous êtes là. D'accord? Les champions de ça sont les maçons. Je vous avais dit le secret pourquoi les maçons posent toujours le pied droit sur le pied gauche. Ça, c'est un enseignement que j'ai fait au cours du séminaire. Ceux qui étaient là-bas peuvent vous en parler. Je ne vais pas en parler au public ici. Il y a pas mal de techniques, OK? Vous pouvez me poser cette question en privé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Dieu merci, mon Dieu, on a fait seulement une. Pas seulement, c'est trop même. La prochaine fois, il faut qu'on fasse seulement 45 minutes. Aujourd'hui, on a fait 1 minute 8. Bon, on va aller jusqu'à 1 minute 15 maximum peut-être pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est d'éviter de trop parler. Voilà, c'est ça l'objectif. Désormais, c'est comme ça où on va éviter de trop parler. Là. Donc voilà, nous avons terminé donc l'enseignement de ce soir. Et demain, nous allons nous retrouver avec un autre enseignement. Oh, demain, c'est le repos. Non. Donc samedi. Samedi, on va se retrouver avec un autre enseignement. Voilà. Donc, voilà, pour ce jour, nous avons terminé. Comment savoir si j'agis avec confiance ou par orgueil? Même toi aussi. Ça, là, ça n'engarde que toi. Moi, je veux savoir comment. BlackBerry BB1005. On a fini. On a déjà dépassé une heure. BB1005. Connected. On a fini. Oh. Parce que l'objectif, maintenant, les gens se sont plaints que je parle trop. Donc, c'est fini. Là, l'enseignement est terminé. Là. Donc, nous allons clôturer notre show. Et que Teta Mwanga vous bénisse. Nous allons nous retrouver, si Teta Mwanga le veut, dans les jours qui suivent. Voilà. Là, tu dis quoi? On t'a bloqué. Tu veux que tu sois débloqué. Mais toi aussi, il faut suivre la discipline. Voilà les choses que je n'aime pas. Alors, vous, quand on vous donne les instructions, ça c'est très important là. Le Babab a un règlement intérieur, d'accord? Il y a un règlement intérieur qui est là. Et ce règlement consiste donc pour vous d'observer les principes tels que vous n'avez pas le droit de poster des vidéos. J'ai dit bien, même si c'est la vidéo qui montre Jésus qui marche sur l'eau. Les gens me postent des vidéos telles que les brouillards, oh, la date du 10 jusqu'au 11, il y aura la fin du monde. Vous êtes comment? Ça, c'est des phénomènes qu'on appelle l'éclipse lunaire. C'est l'éclipse lunaire, vous ne savez pas ça? Prenez, allez-y même sur Google, que lorsque la lune et le soleil se rencontrent, la rencontre de ces deux-là, ça crée toujours un effet. Ça crée ce qu'on appelle une prénombre. Et cette prénombre peut se manifester sous la forme du sang quelque part ou la forme du noir. Vous serez dans l'obscurité totalement. Et c'est ce qui s'est passé au Niger, je crois. Au Niger, à 14h, les gens disent, oui, il est 14h seulement. La fin du monde. Oh, Jésus a raison. La fin du monde. Vous allez que c'est la fin du monde, c'est comme ça, là. C'est pour cela que les Blancs nous traitent trop de superstitieux. On vous dit que la science sans conscience, c'est de la superstition. Je répète, Moréon vient vous dire que la science sans conscience, c'est de la superstition. Moi, je vous amène sur Tatan Zambé, le Tout-Puissant Kana, pour découvrir la véritable science. Laquelle science qui est l'harmonisation de la matière avec l'esprit et de comprendre le fonctionnement de la matière par rapport à l'esprit. Parce que tout a commencé à l'esprit. C'est l'esprit qui est la source de tout. C'est Dieu, Mwanga, Teta Mwanga, qui est la source de tout. Donc, par conséquent, tout phénomène, il faut le comprendre dans le point de vue scientifique. Teta Mwanga n'est pas là pour sanctionner les gens avec les nuages noirs ou bien vous créer l'obscurité pour vous amener où? Donc, arrêtez-moi ça. Bref, la discipline, il faut éviter de poster des choses qu'il ne faut pas poster. Pas des vidéos. Pas des livres, pas des articles en rapport avec Corona. Oh, Corona, il y a des réseaux pour ça, il y a des forums là-bas. Ici, là, Tatan Zambé, le Tout-Puissant, c'est uniquement spiritualité. La personne qui m'a posé la question, est-ce que Jésus était noir? Ça ne me dérangerait pas que vous me postiez un document de moins de 10 minutes qui parle de Jésus qui est noir, présenté par un noir. Ça ne me dérangerait pas. Je vous avais dit ça, je ne suis pas raciste, j'ai des amis qui sont abonnés, qui sont des balades ici. Mais je vous avais dit, l'objectif même de l'affaire du forum, c'est promouvoir nos traditions et nos coutumes, nos traditions, nos religions traditionnelles, nos rites à nous. Alors, si on doit faire la promotion de nos rites, et je vous avais même fait la promesse que même l'histoire de la Bible, là, je ferai l'effort de ne plus même mentionner des versets bibliques ou quoi que ce soit, bien que je sois à cause de ce réflexe des anciens pasteurs-là. Pourquoi? Mais parce que ça n'a rien à voir avec nos traditions. Vous comprenez? Donc, il faudrait que vraiment on fasse l'effort d'appliquer ce que nous-mêmes nous avons fait. Mais moi-même, parfois, je suis obligé de demander à mon administratif, parce que c'est elle qui se charge de ces sanctions-là. Voyez-vous? Donc, quand l'administratif vous sanctionne, arrêtez de venir me supplier en privé, là, oh non, le maître, il est trop bon, il est trop gentil, là, bon, on peut négocier. Donc, si on vous a chassé pour violation des principes, le règlement est là, hein? D'accord? Bon, il y a trois forums. Bon, si on vous a chassé dans l'un des forums, peut-être que vous pouvez aller vous cacher dans l'autre forum là-bas. Mais maintenant, si vous partez là-bas, moi, je vous surveille. Il faut aussi changer. Ne postez rien. Ce n'est pas de la dictature. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, oh, mais vraiment, les gens là, ils sont des dictateurs. Quel dictateur? Oh? C'est simplement le règlement intérieur. Ne postez pas quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'éveil de la conscience de l'homme noir, qui n'a aucun rapport avec nos traditions africaines. Vous m'amenez Corona pour faire quoi? Vous m'amenez les plantes, les feuilles pour aider quelqu'un pour se soigner du Corona. Qui vous a dit que tous ceux qui sont sous les forums là ne connaissent pas ces histoires-là? Vous comprenez? Je vous ai bien dit que la majorité des gens qui sont sous le forum, il y a des grands maîtres initiés qui ne parlent même pas, hein, qui ne disent rien, qui sont même plus avancés que moi, si vous ne le savez pas. Il y en a, ils sont là. Oui. Il y a des professeurs de hautes sciences, des occultes. Il y a des professeurs de magie noire. Il y a des gens qui vendent leurs histoires de valises d'argent, les milliards et tout ça. Ils sont là, ils suivent tout ce qu'on fait là. Arrêtez de vous agiter. Vous allez nous amener des petites informations là, ça ne nous sert à rien. Bon, j'ai compris votre requête. On va voir, on va étudier. Ça dépend du dossier. Je vais voir avec un autre administratif. Qu'est-ce que vous avez posté? Est-ce que vous avez posté un film porno? Je ne sais pas ou quoi. Qu'est-ce que vous avez posté? On va analyser tout ça. Et puis, ben, on va vous réintégrer. Mais ça, normalement, quand vous violez la loi, vous violez la loi, vous devez payer le prix. OK? Sachez-le. Merci beaucoup. Que Tétan Mwanga vous bénisse. Et que d'ici là, portez-vous bien. Voilà, on est même parti au-delà du temps. Oh, t'as bien. Donc voilà, on va clôturer par notre chanson. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci, merci. Voilà. Retenons ceci. Il y a une différence. Il y a une différence entre la consultation de votre personne basée sur l'étude complète sur votre nom, prénom et date de naissance qui vous révèle qui vous êtes, qui vous révèle de votre devenir et de votre avenir. Il y a une différence parce que ça, c'est une étude purement astrologique, mais toute une gymnastique intellectuelle qui est impliquée. Par contre, la consultation mystico-spirituelle, ça, c'est l'entrée dans les arcanes secrètes par plusieurs méthodes. La méthode spirituelle, telle audience, voyance directe, objet, support tel que photo et autres, cartomancie, et même l'habit, beaucoup d'objets, articles magiques que vous pouvez toucher, la Bible, on peut vous consulter à travers elle. Donc, il y a une grande différence. Mais je me suis fait comprendre ce jour que les consultations mystico-spirituelles, elles coûtent très cher. Je le fais, mais je vous chargerai beaucoup d'argent. Elles peuvent se faire par téléphone, certes, mais soyez honnête avec vous-même. OK? Et souvent, je préfère le faire face à face. Et les autres consultations, elles ont toujours lieu. J'ai repris à les faire. Donc, vous pouvez me contacter là-bas, sur le forum là. Et vous avez mon contact. Et dernière alerte, s'il vous plaît. Dimanche, lundi, jeudi, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Et même les autres jours, envoyez un message, textez. Je vous ai dit, je ne vis pas de ceci. J'ai un travail, j'ai même deux boulots. Je suis très occupé. J'ai des responsabilités familiales, j'ai des responsabilités professionnelles. Hein? Et moi-même aussi, je dois m'éduquer. Moi-même, je dois aussi suivre des cours de métaphysique. Moi-même, je dois faire les méditations et tout cela. Quand vous m'appelez, regardez votre montre. Quelqu'un parmi vous m'appelle, il est minuit 15. Au moment où je m'apprêtais à rentrer dans mon sanctuaire de méditation et de consultation avec l'au-delà, le téléphone sonne. Non, ne faites pas ça. Et de surcroît, ils appellent en vidéo. On ne se connaît pas, évitez de m'appeler en vidéo. Parce que si vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu et vous deviendrez aveugle, je ne serai pas responsable. Donc, évitez de m'appeler en vidéo, s'il vous plaît. Homme comme femme. Sauf si je vous connais, vous êtes mon fils ou bien vous êtes un membre de ma famille. OK? Mais si vous ne l'êtes pas et que vous êtes membre ici, vous m'appelez sur vidéo, vous ne savez pas dans quelle position je me trouve. Je vais être dans mon temps. Et d'ailleurs, c'est ça, je vous informe. Je passe 80% de mon temps toujours dans mon temps. En dehors du travail, je suis dans mon temps. Donc, retenez et appliquer ces règles aussi simples, s'il vous plaît. Il ne faut pas m'appeler, autant me texter, envoyer des messages. Et vous avez tous les moyens par lesquels vous pouvez me contacter, soit par Facebook, vous faites un petit message. Et évitez de me faire des discours, s'il vous plaît. J'ai horreur des discours. Oh, évitez ça, pardon. Vous ne pouvez pas m'écrire une lettre kilométrique. Vous allez me parler du tarot, et du tarot, vous me parlez de la peau de machin, la peau du tarot, et ceci, vous parlez de la famille, vous mélangez ceci, cela, oh, les pieds étaient calboignés, oh, la dernière fois, j'ai vu un chat noir qui me poursuivait, oh, ce n'est plus le chat noir, après, il y a eu un serpent rouge qui est grimpé, il est tombé sur mon nez, je me suis réveillé, le nez était gonflé. Vous n'avez pas besoin, s'il vous plaît, de me raconter des histoires comme ça. Raccourcissez votre histoire, soyez et allez droit au but. D'accord? Je sais que beaucoup d'entre vous aimez la littérature, mais pardon, faisons l'effort. Voilà, le temps est passé déjà. Et ça fait combien? Ben, bien, bon, voilà. Que Tétan Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci, merci, merci. Soyez tous salués et bonne soirée. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci.